Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation et du choix musical avec le support de cette semaine de Denis Marchand, Robert Blanchette et Noël Douville qui, comme à l'habitude, nous proposent leurs commentaires. Alors aujourd'hui à l'émission, nous aurons Samarcande de Montréal, Frank Baker d'Allemagne, de Moulets d'Angleterre, Stephen Wilson d'Angleterre, Nad Sylvan de Suède, Kenso du Japon et pour la première fois du Liban, nous aurons Amadeus Awad. Et pour ce qui est du palmarès rock de neurones, nous aurons cette semaine la position 17 du palmarès avec The Moody Blues. Et la position 16 avec une pièce de l'album Fragile de Yes. Et en toute fin d'émission, je vous réserve une pièce, une œuvre d'un musicien multidisciplinaire de Trois-Rivières. Il s'agit de Bio Bazar, l'œuvre de Danny Janvier. Alors, on débute avec la formation montréalaise. En fait, c'est un projet solo de musicien du nom de Éric Filion de Montréal. Et le projet s'appelle Samarcande. Si on va sur le site web de l'artiste, on voit que c'est pas sa première parution, mais sa plus récente. La plus récente s'intitule Ordo Ab Chao. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça se trouve être la devise de la franc-maçonnerie, qui veut dire aussi en français l'ordre par le chaos. Éric Filion se spécialise dans la musique inspirée de la musique électronique allemande et britannique des années 70 et avec, bien entendu, des explorations sonores à la Klaus Schulze et Tangerine Dream. Alors, on va débuter tout de suite avec Bohemian Avenue, qui est extrait de son plus récent album, comme je disais, Ordo Ab Chao. Et sans interruption, je vais enchaîner avec Frank Baker, ce multi-instrumentiste allemand, avec deux pièces courtes extraites du dernier album Noctilucent. Et on va conclure encore une fois en rafale avec le quintet britannique féminin de Moulets avec Lady Vengeance qui est tiré du dernier album Constellation. Alors voici Samarcande, Frank Baker et de Moulets. Thank you. Thank you.

with a soft tread upon the ground. Skin and darkness, ears of a sharpness, often sought after, but rarely. C'était The Moulettes d'Angleterre avec la pièce Lady Vengeance et c'est extrait de Constellations, qui est leur dernier album qui est paru l'an dernier. Et ça a été précédé de deux pièces du multi-instrumentiste allemand Frank Baker. Et les deux pièces sont extraites de l'album Noctilution qui est paru en 2013. Et en début de bloc, on avait une nouveauté d'un artiste montréalais, Éric Filion, avec son projet Samarcande. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Bohemian Avenue et c'est tiré de Ordo Ab Chaos. Alors après la pause, Steven Wilson, Nad Sylvan, Kenso et Amadeus Awad. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous débutons le deuxième bloc de l'émission avec Steven Wilson, qui est bien connu pour sa participation dans Porcupine Tree pour plusieurs années et aussi la formation No Man et Blackfield et plusieurs autres projets comme OSI. Et Steven Wilson est en carrière solo depuis plusieurs années et l'album qu'on va entendre, en fait la pièce est extraite de l'album The Raven That Refused to Sing and Other Stories qui est paru en 2013 et de qui, selon de l'avis des amateurs de rock progressif, s'est avéré l'album le plus populaire de l'année 2013. Alors, on va entendre extraite et tirée de cet album-là la pièce Drive Home. Alors, voici Steven Wilson. Try. Alors, on est d'entendre Steven Wilson avec la pièce Drive Home. C'est tiré de The Raven That Refused to Sing and Other Stories, cet album mythique qui est paru en 2013. Alors, on enchaîne avec maintenant avec Nad Sylvan, qui est un chanteur d'expérience qui a trois albums solo à son actif, dont le plus récent qui s'appelle Courting the Widow. On connaît Nad Sylvan pour sa participation dans les années 90-2000 avec la formation Unifone et aussi à sa participation durant la tournée de Genesis Revisited 2 avec Steve Hackett. C'est le chanteur, c'est un grand blond de 6 pieds quelques. Alors, c'est un Suédois et dans sa version du nouvel album qui s'intitule encore une fois Courting the Widow, il est justement accompagné de Steve Hackett à la guitare. Alors voici Nad Sylvan avec la pièce Echoes of Equabit. Run with the fixin'. dream to world cease to exist. Dance with the demons in the circle. Alors, c'était de Suède, Nad Sylven, avec la pièce Echoes of Equabet. Et c'est extrait de son plus récent album, Courting the Widow, qui est paru il y a quelques semaines à peine. Alors, on va maintenant du côté du Japon avec la formation Kenso, formation qui est déjà 10 albums studio à son actif. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album qui est le mieux coté dans Prog Archive. L'album s'intitule Fabulis Mirabilibus de Bombicosi Scriptis et la pièce Muon. Alors voici Kenso. Alors, c'était la formation japonaise Kenso avec la pièce Muon et c'est extrait de leur 8e album paru en 2002, Fabulis Mirabilibus de Bombicosi Scriptis. On va maintenant aller du côté du Liban avec, pour la dernière pièce du deuxième bloc, le multi-instrumentiste Amadeus Awad. Amadeus Awad qui est inspiré de Ritchie Blackmore, le Deep Purple, guitariste très inspiré, on s'entend. Et Amadeus Awad a deux albums, dont le plus récent, Death is Just a Feeling, c'est paru en 2015. Et sur cet album-là, il y a une collaboration assez impressionnante de musiciens. Et j'ai nommé Arjun Lucassen de Aerion. Il y a Marco Minnemann aussi du groupe des Aristocrates. Il y a Annick van Giersbergen de The Gathering et de Gentle Storm aussi. On a Jimmy Keegan de Spock's Beard et Kevin Moore de Dream Theater. Alors, tous ces musiciens se sont prêtés à une collaboration avec Amadeus Awad à Beyrouth, au Liban. Et ça a donné ce qui suit. Alors, c'est Sleep Paralysis. que vous venez d'entendre, c'est le Libanais Amadeus Awad avec la pièce Sleep Paralysis et c'est extrait de Death is Just a Feeling et c'est paru il y a quelques mois. Après la pause, The Moody Blues. Au troisième bloc de l'émission qui est complètement destiné à The Moody Blues. The Moody Blues qui est le groupe avec l'album Days of Future Past qui occupe la 17e position du palmarès Rock de Neuron. L'album est paru en 1967 et je pense que pour rendre hommage à la carrière florissante de ce groupe-là qui a 50 ans cette année, ça a débuté en 1966, j'ai préféré prendre une compilation qui est parue il y a quelques années qui est du nom de This is the Moody Blues et j'ai extrait un pot-pourri de ce que je pense est un survol chronologique du groupe. Alors, on va commencer avec sans interruption une dizaine de chansons de la formation de Moody Blues et ça commence avec The Actor, on va entendre The Word, Eyes of a Child, Dear Diary, Legend of a Mind, Lovely to See You, The Dream, Have You Heard, et Melancholy Man. Alors voici The Moody Blues. The curtain rises on the scene with someone shouting to be free. The play unfolds before my eyes. This ends the actor who is me. Take us far from traffic, telephones, and fear. Put out your problems with the cat. Escape until the bell you hear. Our reasons are the same, but there's no one we can blame, for there's no. This garden universe vibrates complete. Some we get a sound so sweet. Vibrations reach on up to become light, and then through gamma out of sight. Between the eyes and ears there lie the sounds of color and the light of a sigh. And to hear the sun, what a thing to believe, but it's all around if we could but perceive. To know ultraviolet, infrared and x-rays, beauty to find in so many ways. Two notes of the chord, that's our full scope. But to reach the chord is our life's hope. And to name the chord is important to some. So they give it a word, and the word is... Listen, hear the sound, the child away. Wander all around, the child. They play it, no, they've no way of knowing what they get. and politely, dear diary. Tomorrow be the same, I know that they're really not to blame. If they weren't so blind, then surely they'd see there's a much better way for them to be. Inside me, yours truly, dear diary. Cold today, but the sun came out later, so I went out and strolled about looking at the shops. Didn't really see anything I liked, so I didn't buy anything. On the way home, I posted a letter. Thank you.

A beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. His life caught up in misery, he does not think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a veil of light will fill your head, and you're doing what I can. All the world astounds me, and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un survol de la carrière de Moody Blues. C'est, bien humblement, c'est un survol assez sommaire parce que j'aurais eu encore peut-être une vingtaine de chansons qui se seraient bien prêtées à l'exercice. Alors, Moody Blues occupe donc la 17e place du palmarès Rock de Neurones. Donc, après la pause, nous aurons Yes en 16e position et une nouveauté de Bio Bazar. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones. Avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on débute avec la position 16 du rock du palmarès Rock de Neurones avec Yes et la pièce Roundabout. Tout le monde connaît Roundabout et c'est extrait de Fragile qui est paru en 1971, ce qui constitue être le quatrième album de la formation. Et on aurait pu, dans le palmarès, bien entendu, ajouter d'autres choses, mais à cause de l'horaire un peu serré, nous aurons une pièce de Yes, et c'est une pièce qui a été remasterisée. En fait, l'album Fragile a été remasterisé par Steven Wilson en 2015. Alors voici Roundabout. Thank you. around the lake. Mountains come out of the sky, they stand there. Twentyfold before my love, I'll be there. Alors, c'était Yes avec la pièce Roundabout et c'est extrait de l'album Fragile qui est paru en 1971. Et la sonorité était vraiment excellente. C'est surtout grâce à la remasterisation que Steven Wilson en a faite cette année de cet album mythique qui, encore une fois, est paru en 1971. Nous allons maintenant conclure l'émission avec... une pièce d'un artiste multidisciplinaire de la région de Trois-Rivières, Danny Janvier, qui opère sous le projet ou le moniqueur Bio Bazar. Bio Bazar, c'est depuis 1998. Danny a participé aussi dans la scène électronique canadienne à plusieurs festivals. Il a une discographie disponible sur Bandcamp de 12 opus. 12, je ne sais pas si c'est tous des albums complets, il y a probablement des EP là-dedans. Mais le dernier qui vient de paraître, c'est Pareidolie. Je vais essayer de le prononcer comme il faut, Pareidolie, que j'ai la chance de posséder en version vinyle. Pour un artiste de Trois-Rivières qui se lance dans une production en vinyle, c'est à noter. Alors, moi, je trouve que l'album est de qualité internationale et je souhaite à Danny de pouvoir se positionner là, sur la scène du prog avec cet album-là. Alors, on va passer tout de suite à la pièce qui s'intitule « La saga du Vinland » et c'est disponible... comme je vous le disais, en vinyle. Vous pouvez aussi vous procurer en version électronique sur Bandcamp. Et pour les CD, je crois aussi qu'en communiquant directement à la station, parce que Danny Janvier est un collaborateur de la station C'est fou, vous pouvez collaborer sur la page, le site web de l'émission. Et aussi, si vous préférez, vous pouvez laisser un message sur la page Facebook de Rock de Neurone. Alors, sans plus attendre, voici Danny Janvier, Bio Bazar, avec la pièce la saga du Vinland.